boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ça c'était bon, c'était Shame et sa vibration post-punk anglaise qui introduit ce 149e Pop and Rock sur la très locale Radio Val d'Orain. Et ce soir, on va se faire des plaisirs avec notamment 21 grammes, 16 et autres Girls in Hawaii pour en tout et pour tout 4 triplettes. Mais non, toujours pas à Belleville. Seul dans cette putain de ville où je me sens un peu paumé. Moi qui ai l'habitude facile, quand je sais même pas où piéter. Mes amis, notre belle république me disent arrête de chômer. Mais c'est le boulot qui m'aime pas, alors pourquoi travailler? Un regard dans le miroir et là je commence à méditer. De quoi sera fait mon avenir? Moi qui rien fait pour mériter cette salope d'amertume, celle qui m'empêche d'oublier les nuits passées sur le bitume, celle face à ma destinée. Seul dans cette putain de vie où je sais même plus qui aimer. Même ma meuf ne veut plus de moi, paraît que je suis trop ravagé. Mes amis et tous les autres semblent enfin vouloir m'éviter. Je me trouve seul dans mon bocal, même le poisson s'est barré. Un regard dans le miroir et là je commence à méditer. De quoi ça fait mon avenir? Moi qui qui m'empêche d'oublier les nuits passées sur bitume, sale face à ma destinée. Maintenant connaissant la vie, depuis l'heure où j'ai vu le jour, moi qui ai toujours voulu m'enfuir, je n'ai jamais fait que des détours. Arrive le moment fatidique où faut prendre une décision. Suivre ce vent de panique, où restera comme un con, un regard dans le miroir. Et là je commence à méditer, de quoi sera fait mon avenir, moi qui ai rien fait pour mériter cette salope d'amertume, celle qui m'empêche d'oublier les nuits passées sur bitume, sale face à ma destinée. Sale face à ma destinée. Allez, ça c'était la première triplette, en tout cas le premier titre de la première triplette des Stéphanois de 21 grammes, la bande à Guillaume, amoureux de Nirvana et de Noir Désir, qui seront bientôt de retour pour une soirée live au local après une première apparition il n'y a pas très longtemps au Diapason. Il est déjà trop tard quand le goût de l'espoir n'est plus qu'un souvenir. Cela fait si longtemps que l'ombre d'idées noires gravées dans ma tête. Que ne plus jamais croire était la clé pour ne plus avoir à souffrir. Ne plus rêver à rien, vivre reclus sur soi, n'être plus qu'une bête. Un pantin fait de bois, une putain de marionnette. Finalement, tout le temps tu le passes à te demander pourquoi la vie n'est qu'une chienne. Accepte enfin qu'un jour il nous faudra partir, n'être plus qu'une poussière dans le vent. Oh, j'adore ce groupe qui réveille en moi l'espoir rock français qui aujourd'hui cherche encore une référence. Pour le dernier titre de 21 grammes de ce soir, c'est un titre live enregistré au fil de synthé que je vous envoie aujourd'hui, c'est dimanche, par 21 grammes. C'est d'abord du live, alors rendez-vous au mois de mai au local à Rouen. Allez synthé, approchez, approchez, approchez, approchez. On fait un mètre en avant pour tout le monde. Tu te lèves et tu pries pour qu'on soit déjà demain. Tu subis la cadence. Allez viens, mon ami, laissons sa chance au destin et qu'elle nous guide nos sens. Le temps passe et n'y change rien. C'est à toi de vaincre l'ennui. Assez sûr que t'es pour toi, il existe un seul. face à la vue. Alors que se poursuit la ronde des grands festins et que les bords de les pensent, je me penche pour vomir et redonne ma part au chien. Aujourd'hui c'est dimanche. Le temps passe, elle n'y change rien. C'est à toi de te vaincre l'ennui. Aussi sûr que tes deux font trois, il existe un sens à la vie. Il existe un sens à la vie. Il existe un sens à la paix. Dans Pop and Rock sur RVR au 104.6, on découvre ensemble les Stéphanois de 21 grammes, mais on adore aussi le maudit Damien 16.

connaître les playlists de nos émissions, rendez-vous sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Global Warning, suivi de You Had It All, étaient les deux premiers titres très 70s, je trouve, de Gloria, qui reprend cette mode du retour en arrière rock, nostalgie ou pas. Je m'en moque, parce que moi, ça me ramène vers un temps où je n'écoutais que de la variété française. Alors, pour la peine, fonçons vers le dernier titre de la triplette de Gloria, Holy Water. Sometimes surprising lovers at night. Après le rock très harmonique et 70s de Gloria, c'est un aller simple que je vous propose vers la Belgique comme le nom du groupe suivant ne nous l'indique pas. Girls in Hawaii appartient à la foultitude des groupes belges qui nous prouvent qu'après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la Belgique est à prendre très au sérieux. Thank you. j'aime la douceur du rock de Girls in Hawaii, je suis certain qu'aucun d'entre vous n'aurait parié sur la Belgique comme terre nourricière des gars de Girls in Hawaii. Pas grave, second titre du soir des filles se promenant à Hawaii, Found in the Ground. Found, but in the ground, picked up through head, to the clouds, you turn, turn, turn around. Allez, parce qu'il faut bien savoir terminer une triplette, dernier titre de Girls in Hawaii ce soir, Flavor. Thank you. N'oubliez pas la page Facebook de Pop'n Rock, les petits enfants du rock, vous y retrouverez non seulement toutes mes playlists, mais chacune de mes émissions à podcaster. Nous voilà dans la dernière triplette du soir, l'immortel Bob Smith va refermer notre 149e numéro et sur ce rendez-vous, semaine prochaine, même heure, même endroit, bis à tous. sommes un air.